Moine bénédictin et chroniqueur anglais, Orderic Vital a retenu cette belle histoire de son temps. Au début janvier de l'an 1091 de notre Seigneur, peu avant le remarquable mouvement en Europe qui décida la première croisade, un prêtre de la ville de Bonneval, France, nommé Gauchelin, Galchelmus, fut appelé dans la nuit pour administrer un malade de la campagne. Il se rendit promptement donner aux malades les derniers recours de consolation suprême de la religion chrétienne. Au chemin du retour, en un lieu coupé de ravins comme il y en a tant en Beauce, et loin de tout habitat, il entend le vacarme d'une grande armée. Ce pouvaient être les gens de Robert de Bellême allant assiéger l'église de Courcy. La lune, à son huitième jour d'avril, jette un éclat vif, ce qui rend le chemin facile. Le jeune prêtre, bien que hardi et de grande taille, s'émeut d'entendre cette marche, incertain s'il devait fuir pour ne pas se faire dépouiller par une ville soldatesque, ou s'il devait déployer la vigueur de son bras au cas où il serait attaqué. Apercevant quatre néfliers dans un champ, il tente promptement de s'y cacher, mais un homme, d'une stature démesurée, et armé d'une large massue, le devance, et lui dit en levant sa massue dessus sa tête. Arrête-toi. N'avance plus. Glacé d'effroi, le prêtre s'immobilise, appuyé sur son bâton. L'homme à la massue se tient près de lui, sans mal, attendant le passage de l'armée. Vint à passer une grande troupe de fantassins. Ils portent au cou et aux épaules, des moutons, des habillements, des meubles et ustensiles de toutes sortes, comme les brigands ont coutume de faire. Néanmoins, tous gémissent en s'encourageant de redoubler de vitesse. Le prêtre reconnaît parmi eux plusieurs voisins récemment décédés. Il les entend se plaindre de la cruauté des supplices qu'ils endurent à cause de leurs crimes. Le colosse alla rejoindre une troupe qui portait une cinquantaine de cercueils, soutenus par deux porteurs chaque, et sur lesquels sont assis des nains à la tête grosse comme un tonneau. Deux lugubres personnages portaient un tronc d'arbre énorme où quelqu'un était enchaîné. Celui-ci hurle par la cruauté qu'il endurait. Il avait un démon qui lui frappait jusqu'au sang, le dos et les reins, avec ses éperons brûlants. Gauchelin le reconnut, c'était l'assassin du prêtre Étienne. Pour ce sang innocent, il souffrait d'une manière insupportable. Il était mort il y avait 2 ans, sans faire pénitence pour ce grand crime. Vint passer ensuite une innombrable troupe de femmes à cheval, assises sur des selles percées de clous brûlants. Le vent les soulevait d'une coudée, 50 cm, et les faisait aussitôt retomber. Les clous font horriblement souffrir leur chair, percée de brûlantes piqûres. Et elles hurlent. Hélas! Hélas! Elles avouèrent publiquement les péchés qu'elles subissaient dans le feu et la puanteur. Et d'une voix plaintive, elles confessèrent les souffrances qu'elles subissaient pour s'être livrées aux plaisirs obscènes, sans retenue durant leur vie. Le prêtre Gauchelin reconnut quelques femmes de noblesse. Il vit aussi des poneys, et des mules avec litière, de plusieurs femmes encore vivantes. Il vit passer une troupe de nombreux ecclésiastiques, des moines et leurs supérieurs, des évêques avec leurs crosses pastorales, bâtons de pasteur. Des abbés couverts de capes noires, des moines à la capuche de même couleur. Tous se plaignent et gémissent. Certains l'appellent par son nom, le suppliant de prier pour eux au nom de leur ancienne amitié. Il vit beaucoup de gens grandement respectés et considérés comme saints par la population. Hugues, l'évêque de Lisieux. Les abbés Meynier, de Hutis-Sansem, et Gerbert, de Fontinet-Lensem. Ainsi que d'autres. Appuyé sur son bâton en tremblant, le prêtre Gauchelin s'attend à des choses autant épouvantables lorsqu'il vit s'avancer une grande armée. Un feu scintillant et la couleur noire dominaient tous ces cavaliers armés pour le combat, assis sur des chevaux gigantesques et portant des enseignes noires. Parmi eux, Richard et Baudouin, fils du comte Gislebert, est mort depuis peu. Ainsi que d'autres, innombrables, dont Landry d'Orbec, tué cette année. Ce dernier s'adressa par d'horribles cris au prêtre, le priait instamment de porter ses ordres à sa femme. Mais les troubles qui suivaient et celles qui précédaient l'empêchèrent de parler. Il dira à Gauchelin : Ne croyez pas cet imposteur Landry. Vicomte d'Orbec et avocat, il s'éleva au-dessus de sa naissance par le mérite de son âme, mais il a tout jugé au gré de son caprice, et des présents qu'il recevait dans les affaires de plaidoirie. Adonné à la cupidité du mensonge, plus qu'à l'exercice de la justice, il a prononcé des jugements injustes. C'est à bon droit qu'il est voué à la honte des supplices, et appelé menteur en public par ses complices. Personne de cette troupe ne le flatte et n'est séduit par son ingénieuse éloquence. Comme il lui était coutume de fermer son oreille tant qu'il pouvait, au cri du pauvre. Maintenant il est tourmenté par les détestations, et indigne d'être entendu. Lorsque ses nombreux chevaliers passaient, le prêtre se dit en lui-même. Sans doute est-ce la maison Erléchini, Henquin, que j'avais entendu dire les avoir vus. Je moquais cela, mais maintenant je vois vraiment les âmes de ces morts. Personne ne croira sans preuve, à moins de saisir un de ces chevaux pour l'amener et le montrer. Le prêtre saisit la bride d'un cheval noir, mais celui-ci se dégagea vigoureusement et s'enfuit vers la troupe lugubre. Voyant venir un autre cheval, il en saisit les rênes. Mais dès qu'il mit le pied à l'étrier, il sentit sous son pied une chaleur vive, et sous sa main, un froid glacial. Quatre terribles cavaliers, d'aspect effroyable, surgirent en hurlant, disant « Aucun de nous ne vous fait de mal. Pourquoi vous saisir de nos chevaux ? Si vous saisissez ce qui nous appartient, vous allez venir avec nous. » Le prêtre lâcha le cheval dès qu'il vit trois des chevaliers qui voulaient le prendre, mais le quatrième chevalier dit « Laissez-le. Laissez-moi lui parler. Je veux me servir de cet homme pour transmettre mes ordres à ma femme et à mes enfants. Je vous prie de m'écouter, dit-il au prêtre, et de rapporter à ma femme ce que je lui demande. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne connais pas votre épouse, dit le prêtre Gauchelin. Je suis Guillaume de Glot, de Gloty, fils de Bernoni, autrefois fameux sénéchal de Guillaume de Breteuil, et de son père le comte Guillaume de Hertford. J'ai commis toutes sortes de leurs saints criminels, et tant de péchés que je ne peux rapporter. Je suis tourmenté le plus à cause de l'usure. J'ai prêté à un pauvre, et ayant reçu son moulin en gage, je l'ai retenu toute ma vie et laissé à mes héritiers, dépouillant celui qui devait en hériter par succession légitime. Voyez ce fer du moulin, rougi, que je porte à ma bouche, il est sans doute plus pesant que la tour de Rouen. Dites à ma femme Béatrix, et mon fils Roger, de vite me porter assistance, en restituant le gage au successeur légitime. Car ils ont déjà reçu plus que ce que j'ai prêté, dit le chevalier. Guillaume de Glot est mort depuis longtemps. Et le message que vous voulez me charger ne saurait être accepté par un fidèle. Je ne sais qui vous êtes, ni qui sont vos héritiers. Si je prenais sur moi de raconter de telles choses à Roger de Glot, ou à ses frères, ou à leur mère, ils riraient de moi comme d'un insensé, dit le prêtre. Cependant, Guillaume le insistait fortement. Il prit soin de se faire connaître par de nombreux signes remarquables. Le prêtre fit semblant d'ignorer, puis il y consentit, vaincu par tant de sollicitude. Il promit de se charger du message. Guillaume fit un long récit de tout ce qu'il voulait demander par le prêtre, cependant ce dernier dit qu'il n'oserait dire à personne les messages détestables de ce trépassé. « Je ne rapporterai à personne ces choses qui ne sont pas convenables de faire connaître. » Guillaume entra aussitôt en fureur. Il saisit la gorge du prêtre avec des menaces, l'entraîna à terre avec lui. Sentant un feu brûlant de la main qui le saisit, le prêtre cria dans l'angoisse. « Sainte Marie, glorieuse Mère du Christ, secourez-moi. » Notre Seigneur manifesta son assistance parmi les rangs du Tout-Puissant, et aussitôt, un chevalier vint brandir une épée comme s'il voulait frapper, disant « Pourquoi frapper mon frère, vous maudit ? Laissez-le et partez. » Les chevaliers rejoignirent sitôt le lugubre rassemblement, et reprirent leur marche. La troupe partit. Le chevalier qui était resté avec le prêtre, lui demanda. « Me connaissez-vous ?»« Non, » dit Gauchelin. « Je suis Robert Leblon, fils de Raoul. Je suis votre frère. » Piqué par cet imprévu, le prêtre se mit à douter de tout ce qu'il venait d'entendre et voir, mais le chevalier évoqua des particularités de leur enfance bien connues de lui, en nombre et en tout point remarquable, bien que le prêtre nia tout, il s'en rappelait parfaitement mais n'osait en convenir ouvertement. « Je m'étonne de la dureté de votre stupidité, » dit le chevalier. « Après la mort de notre père et mère, je vous ai nourri, vous aimant plus que tout au monde. Je vous ai envoyé aux écoles de France, vous ai fourni abondamment vêtements et argent, cherchant à vous être utile de bien des manières. Et vous faites semblant de ne pas vous souvenir, daignez même pas me reconnaître ?» Après d'abondantes explications si véridiques, enfin convaincu des faits, le prêtre en larmes, convint publiquement de ce que dit son frère, le chevalier, qui ajouta. « Après notre entretien, en Normandie, où j'ai pris congé de vous, je passai en Angleterre par ordre du Créateur, pour compléter ma carrière. J'y ai souffert d'affreux supplices, à cause des péchés dont j'étais surchargé. Ces armes de feu que nous portons, ont une puanteur intolérable, qui nous fait souffrir. Leur poids excessif nous accable. Et nous brûlons d'une chaleur que rien ne peut éteindre. J'ai souffert jusqu'ici des supplices que je ne saurais rapporter. Mais lorsque vous avez été ordonné prêtre, en Angleterre, et que vous avez chanté votre première messe aux défunts, les peines que votre père Raoul endurait lui furent retirées, et moi aussi, je fus libéré du bouclier qui m'accablait. Voyez le poids de cette épée que je porte. Je m'attends avec confiance d'en être débarrassé dans un an. Vous auriez dû mourir de bon droit et souffrir avec nous les peines que nous endurons pour avoir porté la main, par un courage criminel, sur des choses qui appartiennent aux morts. Nul autre que vous n'a eu l'audace de faire chose pareille. Mais la messe que vous avez chantée aujourd'hui aux mourants, vous a sauvé de la mort, et il m'a été permis de vous apparaître pour vous faire connaître ma misère. Le prêtre prêtait maintenant grande attention aux choses que le chevalier disait. Il remarqua alors à ses talons, près des éperons, un grumeau de sang de la forme de tête humaine. « Qu'est-ce cette boule de sang à vos talons ?» demande Gauchelin. « Ce n'est pas du sang. C'est du feu, dont le poids m'est plus lourd que le Mont-Saint-Michel. Je porte ces énormes poids à mes talons, car je me servais d'éperons fort pointus pour répandre le sang plus vite. » dit le chevalier. J'en suis tellement accablé que je n'arrive pas à décrire mon supplice. Les mortels devraient penser à ces choses-là, de crainte de s'exposer à d'affreux châtiments par leur faute. Mon frère, il ne m'est pas permis de vous entretenir plus longtemps. Je suis forcé de suivre en hâte cette déplorable troupe. Mais souvenez-vous de moi, je vous prie, secourez-moi par des prières pieuses, et des aumônes, pour que de Pâques fleurisse d'ici un an, j'ai espérance d'être sauvé, délivré de tous mes tourments, par la clémence du Créateur. Quant à vous, occupez-vous de votre sort, et usez de prudence en vue de corriger votre vie. Car sachez qu'elle est souillée de plusieurs vices, et ne sera pas longue. Maintenant gardez silence. Taisez-vous sur les choses que vous avez entendues et vues de manière inespérée. N'ayez pas l'audace d'en parler à personne d'ici à 3 jours. À ces mots, le chevalier partit précipitamment. Le prêtre resta malade toute la semaine, puis en vue de se rétablir, il se rendit à Lisieux, où il rapporta à l'évêque Gislebert ce qu'il avait vu, point pour point. Il obtint de lui les remèdes nécessaires. Par la suite, il vécut près de 15 ans bien portant. C'est de sa propre bouche que j'ai appris ce que je viens d'écrire. J'ai aussi vu sa figure, meurtrie du toucher de l'effroyable chevalier Guillaume de Glot.